Chapitre 11. Miracle, béatification, canonisation. Le ciel fit sentir par quantité de signes sensibles la gloire dont il avait récompensé le courage de ces invincibles soldats de Jésus-Christ. Le troisième jour après leur mort, quelqu'un ayant coupé un doigt du pied du père Pierre-Baptiste, il en sortit du sang. On vit même alors trembler tout le corps jusqu'à trois fois, et il sortit d'une des plaies une si grande abondance de sang qu'on y trempa plusieurs mouchoirs. Un soldat italien, nommé Jean Bonacina, qui était allé au Japon sur un navire portugais et qui avait assisté au crucifiement des martyrs, ayant reçu dans son chapeau du sang du même père, du père de l'Ascension, de Paul Miki et d'un autre, et l'ayant mis ensuite dans un vase de porcelaine, le porta à Macao, où, 9 mois après, il fut visité par le vicaire général, en présence de 6 religieux franciscains, d'un dominicain, de 2 jésuites, d'un médecin et de plusieurs témoins, qui le trouvèrent liquide, sans odeur et aussi vermeil que s'il eût encore coulé des plaies. Le vendredi qui suivit le triomphe de ces héros chrétiens, on aperçut au-dessus de la sainte montagne comme 3 colonnes de feu qui brillaient en l'air et rendaient la nuit presque aussi claire que le jour. Ce phénomène dura 2 heures. Ensuite, la colonne du milieu s'avança sur l'église du collège des Jésuites et disparut. Plusieurs vendredis suivants, on vit encore au-dessus des croix quantité de lumière. On peut lire plusieurs autres merveilles dans la relation des auditeurs de la Rote, chargés de dépouiller les procès et d'en faire le rapport au pape Urbain VIII, ainsi que dans les Acta Sanctorum des Bollandistes. Mais au jugement du Saint-Siège, qui le fit insérer dans l'office des saints martyrs, le plus grand de tous les miracles fut l'accomplissement de la prédiction ou de la prévision de saint Paul Miki. Le sang des martyrs fut une semence de chrétiens. Plusieurs païens témoins de la mort sereine des 26 martyrs furent à peine de retour à Nagasaki qu'ils demandèrent le baptême. Pendant le reste de l'année 1597, 2140 idolâtres se convertirent dans le seul Eximo. L'année suivante, Taiko-sama mourut et le père Valignani amena de nouveaux missionnaires, rétablit les résidences et les collèges, en un mot réorganisa toute la mission. Les conversions furent partout innombrables, de sorte qu'en l'année 1600, on comptait au Japon environ 400 000 fidèles. Ce chiffre ne fit que s'accroître les années suivantes, malgré les persécutions partielles dont la propagation de l'Évangile fut traversée. En 1620, les missionnaires de la Compagnie avaient sous leur conduite 700 000 chrétiens. Nous ne connaissons pas le nombre de ceux qui étaient sous l'administration d'autres religieux. Mais alors éclata une persécution générale, la plus astucieuse, la plus horrible, la plus persévérante qui fût jamais. Le protestant Kampfer lui-même dit « Cette cruelle persécution qui n'a point de pareil dans l'histoire dura environ 40 ans. Tiemitz donna à la fin le dernier coup de mort au christianisme. Il extermina avec une barbarie qui n'avait point d'exemple tout ce qui restait de chrétiens au Japon. Il en fit massacrer dans un seul jour plus de 37 000. La Compagnie de Jésus compte, outre les 3 martyrs dont nous avons donné la vie, 92 autres de ses membres dont les noms sont connus, et 7 autres dont les noms sont inconnus, desquels on sait, positivement, qu'ils ont fait au Japon le sacrifice de leur vie au milieu des plus épouvantables tourments. Les pères Pierre Marchès, provincial, François Cassola, Joseph Chiara, Alphonse Orio et le frère André, japonais, scié vivant, à Jedo de 1644 à 1645, termine cette liste lugubre. Mais il y en a bon nombre d'autres qui ont disparu dans la persécution, sans qu'on ait jamais su comment. On dit communément que l'empereur Gielnaco découvrit et mit à mort, après l'an 1650, tout ce qui restait encore de chrétiens. Cependant, lorsque Kampfer était à Nagasaki en 1692, il y avait environ 50 chrétiens de tout âge et de tout sexe dans les prisons de cette ville qui y avaient été amenés du royaume de Bungu et qu'on tâchait en vain de faire apostasie au moyen de l'isolement, de la misère et de promesses de liberté. En 1709, M. Sidoti, prêtre sicilien, pénétra dans le Japon pour porter des secours spirituels à ceux qui pouvaient rester de fidèles. Mais on n'a jamais su ce qu'il est devenu. Dans les lettres édifiantes allemandes, on lit que, vers le milieu du siècle passé, un jésuite servit pendant 10 ans sur un vaisseau hollandais, en qualité de cuisinier, pour avoir l'occasion d'entrer dans le Japon, et qu'il réussit. En 1825, l'empereur du Japon écrivit au roi de Corée pour l'avertir que 6 de ses sujets qui adoraient Jésus avaient fui dans une petite barque et le prier de les lui renvoyer s'il les trouvait. Depuis, on a reçu diverses preuves du même genre que toute trace de christianisme n'a pas disparu du Japon. Mais ceux qui restent sont des chrétiens sans prêtre, sans évêque, qui doivent baptiser eux-mêmes les enfants et qui vivent dans une terreur qui ne leur permet pas de se mettre en rapport avec les Européens. La dernière nouvelle religieuse qui concerne le Japon qu'on ait reçue, c'est qu'au dernier samedi saint, un Japonais a été solennellement baptisé à Rome. Pendant que la persécution désolait cette église, si admirable pour sa constance dans la foi, les pères franciscains travaillaient à Rome pour obtenir la canonisation des 6 martyrs de leur ordre et des 20 Japonais, dont la plupart avaient été leurs domestiques ou leurs catéchistes, et 3 membres de la Compagnie de Jésus. Toute la procédure était déjà terminée. Les 3 auditeurs de la rote, chargés du dépouillement et de l'examen des pièces de la procédure, avaient émis une opinion favorable le 1er avril 1626. Le 3 juillet de l'année suivante, la Congrégation des Rites, nouvellement instituée par Urbain VIII, procédant pour la première fois en cette sorte de matière, avait, conformément à l'avis des auditeurs de la rote, déclaré qu'il constatait du martyr et des miracles des 26 crucifiés et qu'on pouvait, quand il plairait à sa sainteté, procéder à la canonisation solennelle de ces martyrs. Et, ce qui importait le plus, on ne doutait pas de l'assentiment du pape Urbain VIII. Ce fut alors seulement que les jésuites, tout occupés de la poursuite de la béatification des pères Rodolphe Acquaviva, d'Ignace Azevedo et de plusieurs autres martyrs plus anciens, furent avertis de joindre leurs efforts à ceux des franciscains. Ils firent donc de concert avec les pères de Saint-François la démarche de demander au pape, en attendant que la sentence de canonisation fût prononcée, la permission de pouvoir réciter l'office et dire la messe au jour anniversaire du martyr, en l'honneur des saints martyrs Paul Micky, Jean Souan et Jacques Quissaille, tandis que les pères franciscains sollicitaient la même grâce en l'honneur des 23 autres martyrs. Cette double prière fut favorablement accueillie. Le 14 septembre suivant, Urbain VIII fit expédier un bref qui faisait droit à la supplique des pères franciscains, et le lendemain, un bref tout semblable fut adressé aux jésuites. Le 22 août 1682, les pères franciscains, et près d'un demi-siècle plus tard, les jésuites, obtinrent la permission de réciter des leçons propres au second nocturne. L'office fut alors placé au rang des doubles de seconde classe, comme pour les saints canonisés. Depuis 1627, même dans des pièces authentiques émanées de la cour pontificale, tous les 26 martyrs furent nommés saints. Le 13 juillet 1739, le pape Clément XII accorda à perpétuité une indulgence plénière à tous ceux qui, ayant fait une bonne communion, visitent une église des frères mineurs réformés le jour de la fête des saints martyrs japonais. Longtemps auparavant, la même grâce avait été accordée en faveur des églises des jésuites, mais elle devait être renouvelée tous les 7 ans. Benoît XIV fit insérer l'éloge des 26 martyrs japonais dans le martyrologe romain en 1748. Cependant, on n'en était jamais venu à la sentence finale et aux cérémonies de la canonisation. Ce qui restait à faire, c'est que le pape confirma d'une manière expresse le décret de la Congrégation des Rites et qu'il déclara qu'on pouvait en toute sûreté procéder à la canonisation des martyrs. Les pères de Saint-François en firent la demande pour les saints dont ils faisaient la fête. Le 3 novembre 1860, Sa Sainteté le pape Pie IX proposa à la Congrégation des Rites la question si on pouvait faire droit à cette prière. La réponse unanime des cardinaux fut affirmative et le pape approuva cette réponse le 17 septembre de l'année suivante. Lorsque ce décret eut été publié, le très révérend père Pierre Beck, supérieur de la Compagnie de Jésus, adressa au Saint-Père une supplique par laquelle il demanda, au nom de tout son ordre, que ce décret fût étendu aux 3 saints de sa compagnie. Cette demande fut exaucée le 25 mars de l'année 1862 et toutes les formalités de droit furent successivement remplies. Les évêques de toute la chrétienté furent invités à la solennité de la canonisation qui devait se célébrer à la fête de la Pentecôte de la même année. Jamais cérémonie semblable n'eut lieu avec plus de pompe et d'éclat. Les regards de tout l'univers étaient fixés sur Rome. Tous les pays du monde y étaient représentés par leurs évêques. Des catholiques sans nombre, mêlés à des hérétiques et à des infidèles, tous subjugués par l'auguste magnificence de la solennité, avaient envahi les immenses nefs de l'église de Saint-Pierre. Devant cette assemblée, en partie si vénérable, en partie si saintement curieuse, le Saint-Père, la mitre en tête, assis sur sa chaire en qualité de docteur et de chef de l'église universelle, prononça le décret suivant. « À l'honneur de la sainte et indivisible Trinité, pour l'exaltation de la foi catholique et l'accroissement de la religion chrétienne, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, celle des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul et la nôtre. Après mûre délibération, et après avoir souvent invoqué l'assistance divine, de l'avis de nos vénérables frères, les cardinaux de la Sainte Église romaine, des patriarches, des archevêques et des évêques présents à Rome, nous décrétons, nous définissons être saints et nous inscrivons au catalogue des saints les bienheureux Pierre-Baptiste, Martin de l'Ascension, François Blanco, prêtre, Paul Micky, Jean Soin, Philippe de Jésus, Claire, Diego Jacques Quissay, catéchiste, François de Saint-Michel, Gonsalves Garcia, Paul Suzuki, Gabriel Duisco, Jean Kizuya, Thomas Danchy, François Thomas Kozaki, Joachim Sakinjor, Bonaventure Léon Karazuma, Mathias Antoine Louis Ibarchi, Paul Yaniki Ibarchi, Michel Kozaki, Pierre Sekezin, Côme Rakiza, François Facholante, laïc, tous martyrs, et Michel de Sanctis, confesseur. Et nous statuons que leur mémoire sera célébrée pieusement par l'Église universelle chaque année, savoir de Pierre-Baptiste et de ses compagnons comme martyrs le 5 février, jour où ils sont morts pour Jésus-Christ, et de Michel comme confesseur non-pontife le 5 juillet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le 10 juillet suivant, le Saint-Père fit expédier deux bulles, l'une consacrée à conserver la mémoire de la canonisation de Saint-Pierre-Baptiste et de 22 autres de ses compagnons, l'autre destinée à perpétuer le souvenir de la gloire des saints Paul Micky, Jean Soin et Jacques Quissay. L'une et l'autre contient un abrégé de la vie et de la passion des saints martyrs et des formalités qui ont précédé et accompagné leur canonisation. Toutes deux débutent par l'éloge des ordres religieux qui ont servi aux saints martyrs comme d'écoles de vertu. Voici comment sa sainteté Pie IX parle de la compagnie de Jésus, dans laquelle nos trois saints ont été formés. Dès les premiers jours de son existence, la compagnie de Jésus a montré de la manière la plus évidente ce qu'elle serait dans les suites des siècles à venir. La plus grande gloire de Dieu, devise donnée par saint Ignace à son ordre, a été toujours et partout le but constant de tous les efforts, non seulement du fondateur, mais encore de tous ses enfants. De là la guerre ouverte et continuelle faite par eux à la superstition du paganisme et de l'hérésie. De là les collèges destinés à former les jeunes gens à la piété et aux lettres. De là les soins donnés aux académies. De là la publication de livres approuvés. De là les exercices spirituels et la prédication, moyens si propres à porter les fidèles à la fréquentation des sacrements et à la pratique des vertus chrétiennes. De là enfin toutes sortes de bonnes œuvres pour gagner des âmes à Dieu. Personne n'ignore d'ailleurs que les prophètes de cette compagnie, outre les trois vœux solennels qui leur sont communs avec les autres religieux, en font un quatrième, celui d'aller volontiers au milieu des fidèles et des infidèles, jusque dans les contrées les plus éloignées, sans demander aucun viatique, moins encore une récompense quelconque, pourvu que tel soit le désir du souverain pontife et qu'il s'agisse du bien des âmes. Il en est résulté qu'ils furent de tout temps d'un grand secours pour l'Église et un objet de haine de la part des hérétiques et des méchants, comme d'estime et d'amour de la part des bons. Que par l'intercession des saints japonais, Jésus-Christ daigne conserver cet esprit apostolique à sa compagnie et donner à tous ceux qui vénéreront nos martyrs la constance dans la foi et la résolution inébranlable de perdre plutôt tout que d'être infidèle à son saint service.